أحكام الحيض والنفاس من كتاب العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى الملخص الفقهي. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى, cours numéro 10. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخذنا أمس آخر هذه الأقسام القسم الثالث في النفاس وأحكامه. ما معنى النفاس؟ الدم الذي يخرج من فرج المرأة من رحم المرأة بعد الولادة, هل يخرج أو قد يخرج قبل, قد يخرج قبل الولادة؟ نعم, هي على الأحكام قلنا بأمس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه, خاصة جست avant les contractions إلى آخره. نعم, الطلق هذا سي حكم النفاس. سي كوا الخلاصة الأحكام في النفاس كنا في أمس؟ أحكام النفاس كأحكام الحيض. نعم, أحكام النفاس كأحكام الحيض كنا في أوبارامون. أقل النفاس؟ نعم, لا حد لأقله ولا لأكثره على الأصح من أقوال أهل العلم. هذا عن ستاغتي هنا أمس. نقرأ كلام شيخ ابن عثيمين في مسألة التحديد, اسكو النفاس إلى دي جور ماكسيموم أو مينيموم. سئل شيخ ابن عثيمين السؤال الخامس من الرسالة, 60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس, كيسيون نيميرو 5, المرأة النفساء هل تجلس 40 يوما لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها, فمتى انقطع تطهرت وصلت, وما هي أقل مدة للطهر, وما هي أقل مدة للطهر. نعم, donc il lui demande la durée. Est-ce que forcément elle doit délaisser salat et siyam 40 jours, ou si le sang il arrête de couler avant les 40 jours, est-ce qu'elle peut faire salat ou siyam? ثم il lui pose la question, c'est quoi le minimum. قال شيخ ابن عثيمين النفساء ليس لها وقت محدود. C'est ça le cas صحيح. Il y a pas de jour précis. متى كان الدم موجودا جلست لم تصلي ولم تصم ولم يجامعها زوجها. العبرة دونك سي بالدم. سي الدم اللي موجود على النفاس. يا بلو الدم على بلو على بلو النفاس. قال واذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس الا عشرة ايام او خمسة ايام فانها تصلي وتصوم. ولو 4 jours ولو 5 jours ولو 10 jours. سي لو سون il arrête de couler elle voit علامات الطهر. ان شاء الله تصلي وتصوم. بل استفدنا امس ان بعض النساء elles ont pas de nifas. ثالث, il n'y a pas de sang, فيجب عليها لا الغسل, الغسل c'est pas واجب, يجب عليها أن تتوضأ بألف الصلاة مباشرة. s'il n'y a pas de sang. قال والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه. استغل للمهمة حتى في الحيض أن c'est أمر محسوس لأن الحيض والنفاس متعلق بالدم. comme on a vu plusieurs fois الآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى. دونك الأحكام متعلقة بهذا الأمر, أما التحديدات كسوة عند الحنفية أو أطر الحقيقة لا دليل عليها, فهذا القول إلى أقرب. قال فمتى كان موجودا ثبتت أحكامه, ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه, لكن لو زاد على 60 يوما فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي. Au-dessus de 60 jours, Cheikh Ibn Taymiyyah il démontre qu'elle n'a pas le haqiqa, elle est mustahada. Là, elle se sent, elle ne s'arrête plus. Elle revient à l'ihkam qu'on a vu dans le mustahada. Si elle peut meyiz les 200, elle meyiz. Si elle ne peut pas, si elle a une ada habituelle, elle a ada. Tous les ihkam qu'on a vu. Elle se nettoie et elle fait salat. C'est le khulas. Mustahada, on a vu en détail. À la kulli hal, il n'y a pas de tahdid. Si ça dure trop longtemps, comme il a démontré chez Ibn Taymiyyah, فَرُبَّمَا لَمُسْتَحَاضَ فَالْبَاسْكُلْ وَيَحْكَامُ مُسْتَحَاضَ كُنَا بِهُ. Si ça ne s'arrête plus, à la chaque année, ça s'arrête, c'est comme le haïd. Si ça ne s'arrête plus, رُبَّمَا عِرْقٌ رُبَّمَا, elle a un problème du sang qui coule, ce n'est pas du sang de l'haïd. Voilà de nifas. Elle bascule dans les ahkams de l'mustahada et elle applique les hadiths et à quoi l'ahl al-ilm qu'on a vu ensemble. هذا والله أعلم. هذا ما يتعلق بالمدة. Donc il n'y a pas de tahdid, c'est comme le haïd. نكمل. قال الشيخ الفوزان أي après avoir cité les مسائل qu'on a vu أمس في النفاس قال وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان. مسألة مهمة. الحامل la femme enceinte si elle انسقت fausse couche. أحكام النفاس la base c'est que ce sang écoule à la fin de la grossesse après l'accouchement. Ça peut être juste avant l'accouchement. En général, c'est après l'accouchement. On a vu les ahkam. Maintenant, il y a une fausse couche. Lâche que lors de la fausse couche, il y a du sang qui coule. Est-ce que c'est, ce sang, c'est demi-face? La yambari al-mar'a taghfal an hada. Ba'd al-niswan, elle a une fausse couche. Du sang qui coule. Rubbama, elle ne sait plus si c'est nifaz amla. Rubbama, elle fait pas salat. Là, il y a des ahkam. Là, il y a des ahkam. Dans ces moments de difficulté, il soit à la ilm. Si ce n'est pas du sang de nifas, comme on va voir, elle doit faire salat. Waqt al-dhuhr, c'est waqt al-dhuhr, elle doit faire dhuhr. L'asr, l'asr, il a akhir. Si c'est du sang de nifas, taqaddam. An-nufasa, elle ne fait pas salat, elle ne fait pas siyam. Fal muhim, vous avez compris l'alaqa. Limada yisit hada. Lianna la fausse couche, il y a du sang. Est-ce que c'est de nifas amla? Qala, wa ida alqat al-hamil ma tabayyanahu fi khalqu insan. Les ulama, vous allez voir, ils font la différence entre cette fausse couche. Est-ce que le djanin, c'était maintenant, il était forme d'être humain. Tu commences à voir la tête, tu vois les mains, tu vois le corps. Est-ce que c'est mujarrad du sang, faqat? Est-ce que c'est mujarrad qat'at lahm, nutfa, alaqa, mudra? Tout ça, les ahkam, ils sont importants. Fal'an, qal shir mnutaymin, idha tabiyana fi khalqu insan. Cette fausse couche, l'enfant Hadal Jani, il est sorti et il ressemble à un être humain. Tu vois la tête, tu vois les mains, tu vois. Qala bi an kana fihi takhtitun. Naam, ay il est à la shakl insan. Qala wa sara ma'aha damun ba'da nuzulihi falaha ahkam an-nifas. Fi hadha al-hal, ala ahkam an-nifas limadha? Li'annaha la accouché d'un enfant. Ala accouché d'un enfant. Walaw ma fi jurouh. Il n'y a pas de rouh, lakin il est à la shakl un enfant. Fa l'ahkam al-nifas. Qala wal mudda allati yatabayyan fiha khalqu insan fil haml thalathatu ashhur ghaliban. Ça c'est fil ghalib, n'am. Au bout de 3 mois, entabihu. Ar-rouh c'est au bout de 4 mois. Al-an laqa ar-rouh. Fa tu n'auras pas les ahkam min dafn wa aqiqa wa salat alayhi. Tu n'auras pas tout ça. Lianahu, il n'a pas de rouh. Lakin al-nufasa. Ils ont cité un si il est à la shakl insan, et en général c'est 3 mois, cette femme elle est fi hukm an-nufasa, ala an-nifas. Qal wa aqalluha 81 yawm, yawman 81 jours. Kadhal Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité hada. Un peu moins de 3 mois. Qal wa in alqat 'alaqatan aw mudghah. Ça c'est avant. Avant qu'il est ala shakl insan. Tu vois pas de tête, tu vois pas les mains. Là c'est mujarrad qit'at lahm. Un caillou de sang, oh, ça commence à être de la chair. Fi hadha al-hal qal lam yatabayyan fiha takhtit insan, lam ta'tabir ma yanzilu ba'daha min ad-dam nifasan. Fi hadha al-hal, c'est pas du nifas. Li'anna an-nifas ya'ti ba'd wiladat insan. Wa hadha c'est pas insan. Il est pas à la shakl insan, c'est mujarrad dam. Mujarrad qit'at lahm, mudgha. Qal fa la tatruku as-salat wa la as-siyam. وليست لها أحكام النفساء. هذا التفصيل كلا في شيخ الفوزان عليه كثير من أهل العلم. الديفرنسي أنه سيل على شكل إنسان أم لا. نقرأ ما قال الشيخ محمد بن حزام حفظه الله في فتح العلام 415 مسألة نمرو 4. قال حفظه الله مسألة نمرو 4 باش 415. قال هل كل وضع يثبت به النفاس؟ الوضع c'est l'accouchement. Est-ce que ça soit dans les premiers mois, que ça soit 4 mois, 3 mois, est-ce que toujours ce sang qui coule après cette fausse couche, est-ce que c'est du nifas? قال لها احوال. صحيح, il y a plusieurs cas. Cheikh Fawzan a cité deux cas. صح. Il a cité un. هذا الجنين il est على شكل انسان. Il commence à être formé. Tu vois la tête, tu vois un corps, tu vois des mains, même s'il n'est pas formé totalement. Deuxième cas, annahu il n'y a pas encore eu de formation, c'est mujarrad du sang ou mudra, qit'at lahm, un bout de chair, faqat. Il a fait la différence, hafidahullah. si il est à la شكل insan, c'est nifas. Si il est pas à la شكل insan, c'est pas du nifas. Hada. Ça c'est deux cas qu'il va citer. Hona il a cité plus. قال لها احوال, il y a plusieurs cas. الاولى ان تضع نطفه. La nutfa c'est le début. Mujarrad dam. Un caillou de sang. قال العلامه ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهذا ليس بحيض ولا نفاس بالاتفاق. Ça c'est mujarrad la perte du sang. Elle est ni en état de haïd ni en état de nifas. Elle se nettoie et elle fait salat, elle fait siyam. Premier cas. بالاتفاق. قال الثانية أن تضع ما تم له أربعة أشهر. قال ابن عثيمين وهذا نفاس قولا واحدا. كذلك هذا يبقى خلاف فيما ذكر الشيخ ابن عثيمين. Après 4 mois. Elle fait une fausse couche après 4 mois. تعلمون après 4 mois فيه الروح. حتى العقيقة على الصحيح elle doit être faite. على القول أنها لواجبة. كذلك يسمى. Il faut lui donner un nom. لأنه ولد. Il avait الروح. لكن مات. كذلك يدفن. Tu lui donnes un prénom. ويصلى عليه الى اخره فهذا سيدي نفاس لماذا لانها لا كوشي دونك لي دو برومي كا واضح ثالثيم كا ان تضع علقه علقه الان سافيت لي تاب ابخ النطفه قال في المشهور عند الحنابلة وهو قول الشافعيه والحنفيه انه لا يعد نفاسا لان الدم يجوز ان يفسد ولا ينشا منه انسان ولا ينشا منه انسان وقال بعض أهل العلم وهو وجه ضعيف عند الحنابلة عند الحنابلة يعد نفاسا لأن الماء الذي هو نطفة انقلب من حال إلى أصل الإنسان وهو الدم فتيقن أن هذا النازل إنسان والراجح ورجح الشيخ من باز القول الأول أنه لا يعد نفاسا سي لبا على شكل إنسان سيبا دي نفاس كما رجح الشيخ الهوزان كذلك الشيخ من باز كذلك الشيخ ابن عثيمين رجح هذا قال الرابع أن تضع مضغة قد تبين فيها خلق الإنسان دونك لا ثوازيام سورة إلى كاتخيام سورة سي لي دو سور كي لا سيتي الشيخ البوزان قال قد تبين فيها خلق الإنسان فهذا نفاس عند أكثر العلماء وهو مذهب الشافعية والحنفية والمشهور في مذهب أحمد والنص عليه أحمد رحمه الله تصار قول صحيح أنه إذا تبين فيه خلق الإنسان ولو سيسبا كامل لكن إلي على شكل إنسان فهذا سي الفين فوس كوش Le sang qui coule, c'est nifas. L'yannaha l'a accouché d'un enfant. Lakin, si c'est avant 4 mois, il n'a pas de rouh, il n'y a pas les ahkam. Min salat, il a akhiri, là. L'yannaha, c'est pas, il n'a pas de rouh. Lakin, par rapport au dhm, il dit c'est dhm nifas. Al-khamis, antawa, mudghatan, lam yatabiyan fiya khalq l'insan. Fafihi wajhan inda l'hanabila. Qala l'alamat ibn Uthaymin, rahimahullah, le mashhur min al-madhab, annahu laysa bin nifas. Aïe, c'est une mudgha. مضغة أي لحم c'est pas du sang فقط c'est une مضغة لكن il n'est pas à la شكل إنسان donc le مضغة il y a deux cas مضغة على شكل إنسان il commence à être formé مضغة مجرد لحم il n'est pas formé قال ففيه وجهان عند الحنابلة قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله المشهور من المذهب أي مذهب الحنابلة أنه ليس بنفاس ولو رأت الدم قال وهو مذهب الشافعية والحنفية وقال بعض أهل العلم إنه نفاس وعللوا بأن الدم يجوز أن يفسد قال ولا ينشى منه إنسان فإذا صار مضغة لحم فقد تيقن أنه إنسان فدمها دم نفاس قال ورجح الشيخ ابن باز القول الأول أنه سبب نفاس لماذا؟ لأنه يلبى على شكل إنسان استسال القول الصواب والله أعلم هذا الضابط للطيب شيخ ابن عثيمين كذلك قال في هذه الرسالة رحمة الله عليه ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين في خلق الإنسان c'est pas du nifas sauf si هذا الجنين si il est على شكل إنسان في حكم النفاس si c'est pas على شكل إنسان فلا قال فلو وضعت سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس بل هو دم عرق فيكون حكمها حكم الاستحاضة وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان 80 يوما من ابتداء الحمل وغالبها 90 يوما 90 يوما نعم entre 80 et 90 jours si le sang coule avant أي il est pas على شكل إنسان c'est مجرد du sang أو un caillou de sang أو un morceau de chair il y a pas de formation ففي هذا الحال si le sang coule elle est حكم الاستحاضة elle se nettoie elle fait salat et elle fait siyam si c'est après formation Aïe, sorte fausse couche, et tu vois un corps, une tête, des mains. Fafi hadal hal, c'est Allez nous faire ça. Cheikh Ibn Baz, il est à l'adal qawl, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ibn Uthaymeen. Et il a cité Madhab al-Hanabila, Shafi'iyya, al-Hanabila. Hada wallahu ta'ala a'lam. Cheikh Ibn Baz, كذلك, il a une longue fatwa, elle ressemble à celle de Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est le même hukm. Donc, fausse couche, deux cas. Si c'est avant cette fausse couche, l'embryon, il n'est pas à la shakl insan, il n'est pas formé, elle n'est pas ni ha'id ni nufasa. Donc, elle fait salat. Si du sang coule, elle est fait hukm l'istihada. C'est du sang faqat, elle se nettoie. Si c'est après shakl insan, et on a dit shakl insan, et la formation, minimum, en général, ça commence 80 jours jusqu'à 90 jours. En général, il est formé cette période. En général. Il ne faut pas confondre avec Mas'alat al-Ruh au bout de 4 mois. Là, on ne parle pas de est-ce que l'âme lui a été insufflée, Amla. Là, on parle de est-ce qu'il a été formé, Amla. Là, on a ta'lamoun. C'est des étapes. Il est formé, Tumma, Al-Malak, il lui insuffle l'âme. Enfin, là, on parle de formation, on ne parle pas de Ruh. Fiyad al-Had, si c'est après qu'il soit formé, et du sang écoule, فَالَحْكَامُ النُّفَسَاءُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ثم قال تنبيه هام قال وهنا مسألة يجب التنبيه عليها وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج حقيقة النية لطيبة لأنها الفو participer au حج خاصةً si elle a l'intention de faire le hajj. Là, chaque, il faut de l'argent. Là, chaque, ça demande un voyage. Enfin, pour ne pas prendre de risque, elle prend ses hubou. Hatta cette période du hajj, elle n'a pas al-dawra, al-shahriya. Là, on a vu les ahkam. Al-ha'id, elle ne peut pas faire al-tawaf. Et min arkan al-hajj, tawaf al-ifadah. La yassih al-hajj illa bih. Lakin, là, chaque, elle, walau si elle a atteint par al-ha'id et elle est fait le hajj, elle reporte. Lakin, بعض النسوان, elle prend ses huboub, حتى elle fait avec le même jour, avec le muslimin, il a akhiré. Nafs al-shay Ramadan. Faliyadha ba'd al-nisa, elles ont une bonne niya, elles prennent ses huboub. Lakin hadhi al-huboub, en général, fiha dharar. Khassatan al-istimrar alayha. Amma marra, matalan, comme on a déjà cité le hajj, rubbama elle le fait une fois dans sa vie, elle prend ses huboub marra. Inch'Allah, il n'y aura pas de dharar, wallahu a'lam. Si elle sait qu'il y a un dharar, là. Lakin Ramadan, 30 jours par an, ça fait des dharar, en général. Ça fait, masalat al-hajj, c'est ashal. Masalat al-umra, c'est ashal. Parce que l'umra, il n'y a pas un temps mahdoud. Tu peux faire l'umra, une femme, elle fait l'umra, elle attend, elle a maintenant sa daura, 4 jours, 5 jours, une semaine, dès qu'elle finit, elle fait l'umra. Fait, on fait une différence entre le hajj et le siyam. Mais l'umra, c'est ashal. L'umra, elle attend, dès qu'il n'y a plus d'écoulement de sang, elle fait l'umra. على كل حال قال شيخ الفوزان فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه فلا بأس بتناولها. Si ces حبوب c'est une interruption de l'حيض ce moment فقط فلا بأس. ثم الحيض الدورة revient normalement لا بأس. خاصة si y a pas un ضرر pour le جسم. قال فلا بأس بتناولها. لكن à force d'en prendre ربما ça dérègle le cycle. قال فلا بأس بتناولها وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا فلعله يد حبوب لفت de les prendre la femme n'a plus de حيض. هذا لا, هذا لا يجوز. Si c'est une interruption أي momentané, un moment فقط, لا بأس, s'il n'y a pas de ضرر. أما si c'est des حبوب ربما ça existe هذا أو des opérations أو ça coupe الدورة أبدا أي toujours. هذا لا, لأن تعلمون أن الدورة الحيض ça a rapport avec les grossesses, l'enfantement, il a akhiré. قال فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج لأن هذا يترتب عليه قطع النسل والزوج لا يجوز له يتعاون مع امرأته على هذا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم il nous a conseillé de on se marie حتى نكثر النسل. Ça c'est مطلوب d'avoir des enfants, il a akhiré في هذه الشريعة فلا يتعاون على هذا. À la kulli hal, deux conditions. S'il n'y a pas de mal, et kadhalik, ce n'est pas une interruption aïe, toujours, à la plus de haït, s'il n'y a pas ces deux choses, la abas. Ça ne lui fait pas de mal, et c'est une interruption momentanée, fa la abas. Khasatan fil hajj, la abas. Elle prend ses huboub, elle fait le hajj, tumma, elle arrête de les prendre. Al-ifta, ils ont des fatawa fi hada. Cheikh Ibn Baz, kadhalik. Cheikh Ibn Baz, il autorise. Lakin, tous ceux qui autorisent, annahu, s'il n'y a pas de mal, si ça ne fait pas de mal. Ceux qui interdisent, ils savent que ça fait du mal. ففي الحقيقة أنت لدو قولي سغصهم سي تو سيك صافي دو مال الطبيب مثلا طبيب ثقة مسلم إلا دا خبرة et déconseille maintenant cette femme, il sait que ça peut lui faire du mal avec sa khibra, fala ta'khud. Si ça ne fait pas de mal, c'est mujarrad une fois comme le hajj, fala bas. Et la nasiha en Ramadan, elle ne prend pas ça. La nasiha, elle prend les ulama qui disent le man'a fi Ramadan. Ramadan, ça vient une fois par an. Et incha'Allah ta'ala, elle rattrape fala shi'a alayha, wa tusbir. Incha'Allah, c'est que quelques jours qu'elle manque. Fala haqiqa, le ha'ib, fi Ramadan, elle manque quelques jours, fakat. ربما une semaine, ربما 4 jours, ربما une semaine ou maximum 10 jours pour les femmes normales, لا بس elle rattrape قليل قليل. أما في الحج si ça ne fait pas de mal, فلا بس هذا والله أعلم. فلي فتاوى que vous trouvez بالمنع, c'est que les ulama ils savent que ça fait du dorab. Les فتاوى que vous trouvez بالجواز, أنهم ils mettent une condition, c'est que ça ne fait pas de mal. في الحقيقة les deux قول ils se ressemblent. الشيخ بن باز نعم على هذا دار الإفتاء كذلك. Fatwa ressemble à celle, le kalam de Cheikh Al-Fawzan Huna, fala haja qu'on lit tout. Avant de finir, on complète certaines masa'il mukhtasara. Min al-masa'il qu'on peut rajouter avant de conclure ce dars, masa'ala fil hayd, elle est muhimma. Wa hiya anna al-mar'a idha hadat atna'i salat, ay pendant salat. Matalan, elle fait salat al-duhur. À la deuxième raka'a, elle sent, elle sait qu'il y a un écoulement de sang. Hey, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de la salat, est-ce qu'elle rattrape cette salat? Ils ont posé la question à Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahmatullah alayhi, qui dit Nour, ala d'arb. Le soual, ma ala man hadat atna'i salat, hal taqta' salataha wa taqdiyaha ba'da tuhriha, am takmil salataha? Ou takmil salataha? Naam, est-ce que elle interrompt sa salat, elle coupe, ثم الغطخب أول كنتينو الصلاة. قال شيخ عبد العزيز رحمة الله عليه إن نزل بها الحيد وهي تصلي تبطل صلاتها. لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهور إلا بالطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذه الآن لا على وضوء لا على طهارة فالكب. قال مثل من خرج منه البول وهو يصلي تبطل صلاته. صحيح. قال لكن الحائض ليس عليها قضاء. لماذا؟ لأنها لمعذورة. على أي سيرة في سواجب سواجب ستتفق مثلا سيدو ركعة التي أنت الطهارة اللي زافر هنا تغبسيون أكوز دل حائض هي الإكسكوزي لدو الدغنية ركعة سيبا واجب بغل دونك الغطخبة هذا سنقول تمام. قال وإن قضت فلا بأس من باب الاحتياط لأن بعض العلماء يفون دير يفوك الغطخب فمن باب الاحتياط الغطخب. Elle sait que ce dohr, cette salade de dohr, elle ne l'a pas fait complète. Inch'Allah, après le haïd, elle fait le taqtasil et elle fait 4 rak'at de dohr. Elle refait le dohr. قال ليس عليها قضاء الصلاة التي نزل الحيد عليها فيها فإن قضتها بعد الطهر فلا حرج. أي سبا واجب. قال وإن كان لا يلزمها ذلك. نعم فالقول بالاستحباب تمام. أحسن الغطخب من باب الاحتياط ألا مأجورة يلصق دو خلاف. قال إلا إذا كانت أخرتها حتى ضاق الوقت فإنها تقضيها وإما إذا كانت في وسط الوقت أو في أوله فلا تقضيها. نعم هذا سأغفيا مسألة la femme qui retarde الصلاة alors qu'elle pouvait la faire au début. نحن on avait dit أصلا elle n'a pas eu de tafrit et elle est toujours dans son heure. Nous on avait رجح avec أقوال أهل العلم certains savants أنها لا غتخب هنا c'est la même chose لكن من باب الاحتياط si elle la غتخب تمام. Cheikh Ibn Baz il fait la différence si elle a retardé sa salat jusqu'à la fin de l'heure. Maintenant notre dohor il est à midi, l'asr il est à 3h, elle a retardé le dohor jusqu'à 2h30 maintenant. Elle commence, elle haïd vient au milieu. Cheikh Ibn Baz il dit elle rattrape. لماذا لأن elle n'a pas fait au début de l'heure. لكن الذي يظهر أنه سبا واجب كالغا تخاب لكن من باب الاحتياط سي الغا تخاب تمام. Ça revient à la masala qu'on avait vu en détail. Si la femme elle retarde l'heure ثم الحيد vient, est-ce qu'elle rattrape salat ام لا. Cette masala on l'avait vu et celui qui veut des détails il revient au dos. هذه سي المسألة مهمة. الخلاصة سبا واجب عليها et si elle rattrape c'est أحسن. Une autre masala كذلك qu'on n'avait pas cité, on avait lu ensemble مسألة أن الحائض حرام عليها الجماع. Alors, c'est interdit qu'elle ait des rapports avec son mari. بقي مسألة si son mari a des rapports معها est-ce qu'il y a une كفارة وهو يعلم bien sûr. تعلمون أن الجماع الصائمة أي في نهار رمضان لم إلى دي غابو avec sa femme في نهار رمضان alors qu'ils sont صائم alors qu'ils doivent faire صيام qu'ils soient صائم أم لا المهم ils n'ont pas de عذر في هذا الحال هي الكفارة on avait vu هذا في دروس الصيام est-ce que c'est pareil pour الحائض الحافظ ابن رجب أو الحافظ ابن حجر plutôt في البلوغ بلوغ المرام il a cité cette مسألة il a cité le hadith page 406 numéro hadith numéro 139 حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما الوقف أو وقفة يا خلاف بين أهل العلم في هذا الحديث est-ce que c'est une fatwa de عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أو est-ce que c'est la parole du prophète عليه الصلاة والسلام قال في الحاشية أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والحاكم وقد توسع أحمد بن شاكر رحمة الله عليه في جمع طرق الحديث بما لم يسبق إليه فيما نعلم في حاشيته على سنن الترمذي نعم الشيخ أحمد بن شاكر رحمه الله توسع في تخريج الحديث دون سنن الترمذي دون صوت تحقيق صحاشية قال والظاهر والله أعلم أن الراجح وقفه أي قول ابن عباس C'est pas un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. قال وقد صح عن شعبة أنه وقفه بعد أن كان يرفعه وقال كنت مجنونا فصححته أي شعبة رحمة الله عليه تعلمون حرصه في علم الحديث رحمة الله عليه فإلى غفن إلا بصحح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى غفن لا مدخل أنه إلى موقوف عن ابن عباس قال ورجح الموقوف الدار قطني والبيهقي ومال إليه النسائي وضعفه آخرون الخلاصة أن حديث ابن عباس لموقوف هل على من أتى امرأته حائضا كفارة اسكن كفارة الآن أنا سيكل حديث لموقوف عن ابن عباس قال الإمام النووي في شرح مسلم وإن وطئها الوطء ونبديس الجماع قال يعني الحائض عامدا عالما بالحيض bien sûr عامدا volontairement et bien sûr عالما أي il est à la علم كالحائض أما s'il n'est pas à la علم مثلا هي elle sait pas أو هي elle sait pas et lui il sait pas في هذا الحال لا شيء يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن bien sûr s'il est à la علم et c'est volontaire عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا donc il sait que c'est حرام il sait qu'elle est حائض Tout ça, et il fait quand même. La chaque annahu, il est tombé fi haram. Un dham azim. Qala faqad irtakaba ma'asiyatan kabira. Nassa al-shafi'i ala annaha kabira. Wa tajib alayhi al-tawba. Awwalani fi al-tawba. قال وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه. ليس صحيح. أنه لا كفارة. قول جماهير السلف parmi les quatre imams رواية عن أحمد القول الجديد للإمام الشافعي قال وممن ذهب إليه من السلف عطاء ابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليم وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمهم الله تعالى أجمعين والقول الثاني وهو القديم الضعيف القديم عند الشافعي تعلمون أن on a déjà expliqué plusieurs fois أن الشافعي il avait des أقوال et certains de ses أقوال il est revenu les anciens قول il les appelle القديم et ses nouveaux أقوال الجديد قال أنه يجب عليه الكفارة donc الإمام الشافعي il est revenu عن هذا القول au départ il disait il y a une كفارة ثم son avis il a changé il disait il n'y a pas de كفارة et c'est صحيح قال وهو مروي عن ابن عباس نعم كما جاء في الأثر والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في رواية في الرواية الثانية عنه واختلف هؤلاء في الكفارة دوزم قول ديسكين كفارة أمامي سوى خلاف سكواسة كفارة فقال الحسن وسعيد عتق رقبة هذا يفود أدلة عتق رقبة ليبغي أفرانشيغ عن إسكلاف قال وقال الباقون دينار ونصف دينار كما في أثر ابن عباس على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار ونصف الدينار هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره نعم حتى اختلفوا اسك ست صدقاء لا في au début de l'haïd, ou au milieu de l'haïd, ou quand elle n'a plus l'haïd. قال أو دينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه وتعلق بحديث ابن عباس المرفوع من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار ونصف دينار. ونادي المرفوع لضعيف والصحيح لموقوف وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ. فالصواب أن لا كفارة والله أعلم. انتهى كلام النووي. هذا الصواب لأن حكم شرعي الكفارة يفو فخصمون دليل. فالعلماء كيزون دي بالكفارة الله أعلم يسوسوا بيوسف حديث ابن عباس أي لضعيف. Et al-sawab, c'est qu'il est mawkouf. C'est donc c'est l'avis d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Et le sahih, c'est qu'il n'y a pas de kaffara. قال الشيخ محمد حفظه الله هذا البحث من النووي مختصر مفيد كاف إن شاء الله تعالى. صحيح كلام مفيد رحمة الله عليه. Donc al-sawab, c'est que هذا الرجل وهذه المرأة ils font توبة من هذا الذنب العظيم. Il n'y a pas de kaffara. Et ils ne recommencent plus هذا الذنب. On revient à la mas'ala, annahu yajuz lahu tamattu' bi zawjatihi, lakin s'il a peur al-wuqu' fi hadha, yajtanib. S'il a peur al-wuqu' fi hadha, yajtanib. Entahayna, il n'y a pas d'autres masa'il. Inch'Allah, entahayna. La chaque, il y a des autres masa'il qu'on n'a pas traité, lakin ma dhakarna bi idnil azawajal, fihi khayrun wa barakah. Baqi kalam yasir, Cheikh Al-Fawzan, on conclut cette risala. ثم قال شيخ الفوزان حفظه الله هذه جمل من أحكام الحيض مررنا عليها مرا سريعا. نعم رسالة شيخ الفوزان على مختصرة لكن للطيبة نافعة نفيسة pour les débutants. Vous avez vu le كلام سهل et la plupart des مسائل الصواب معه حفظه الله quand tu as خلاف c'est أقوال مسددة et tu peux le خالف dans certains points. مسائل خلافية لكن الحقيقة pour les débutants elle est نافعة جدا. قال وتفاصيلها تحتاج إلى وقت طويل ونحن والله الحمد لله سيد ديتاي ونحن نديتاي لأن الدرس كونفيس معكم طلاب علم وربما des personnes débutantes elles écoutent هذا الدرس ربما certaines choses elles comprennent pas لكن نحن ندروس ولله الحمد on les fait à des طلاب علم. Enfin, celui qui comprend, alhamdoulilah, celui qui ne comprend pas, il écoute des doros plus simples, où il demande, il fait des efforts. On sait que les personnes qui sont en face de nous, ils ont des bases dans certaines choses. Et on essaye d'aïman de simplifier, de faire un résumé. Hatta, inshallah, la plupart des gens y profitent. Et en haqiqa, on n'a pas détaillé kathiran, khasatan fil masail al-khilafiyya. Inshallah, celui qui est sérieux, qui écoute depuis le début, ça c'est muhim dans les durus. بعض الإخوان أو الأخوات ils ne comprennent pas certaines مسائل لأنهم ils ne prennent pas le temps de tout écouter. هذا c'est خطأ. Ils écoutent le premier durs ثم ربما ils basculent au quatrième أو ils arrêtent ثم ils ne comprennent pas. Là, celui qui écoute depuis le début il prend des notes. S'il a إشكال il demande Inch'Allah il comprendra. Et ça c'est le bienfait d'assister au durs directement. أما les audios في الحقيقة ils font un اجتهاد لا بأس خاصة quand les cours ils sont longs خاصة quand il y a plusieurs cours. أما assister directement عند المدرس c'est beaucoup plus simple. Prends tes notes si tu as quelque chose à demander. Ça c'est une différence عظيمة entre les audios et assister au cours. Les audios ça remplacera jamais التلقي عند المدرس ou عند الشيخ directement. La preuve c'est que tout le monde a des audios et c'est pas tout le monde qui a un طالب علم. صح؟ Tout le monde a des audios là. Chaque frère, chaque ربما مسلم avec les ordinateurs, les disques durs, tout le monde a un khayrat min ad-durus wal kutub. Mais ce n'est pas tout le monde qui est talib ilm. C'est ça, nous conseillons que les frères et les frères ils font des efforts pour talib ilm. Et parmi les efforts, c'est le rihla, se déplacer. L'ilm ne viendra pas toujours à toi. Abadan. Hatta ce qui vient à toi, c'est mujarrad ta'awun, ça t'aide. Probablement, c'est une clé, ça t'ouvre les portes à certaines choses. Amma celui qui veut devenir un talib ilm et comprendre et essayer d'expliquer aux autres plus tard, faire da'wa, la bout d'une attalaki, la bout, assister directement, la bout. Et celui qui ne peut pas, la barre de nas, ils ne peuvent pas, ils ont un hud. Rubama, il doit s'occuper de ses parents. Rubama, il n'a pas les moyens de se déplacer. Ashiya ma'roufa, hada, hada, inshallah, s'il est sincère et il fait des efforts, Rubama, Allah subhanahu wa ta'ala, yifta alay, comme si il s'était déplacé. L'essentiel c'est de nier et faire des efforts. Et Hamshay, s'il ne comprend pas, il demande. S'il est tout seul, il lit, il écoute, il ne comprend pas, il revient à Ahlul Ilm, il demande. قال حفظه الله وتفاصيلها تحتاج إلى وقت طويل لكن يجب على من أشكل عليه شيء منها أو من غيرها أن يسأل العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم c'est sa طريقة النجاة celui qui veut s'en sortir بإذن الله عز وجل القرآن والسنة على فهم السلف avec la compréhension des سلف et il cède Il s'entraide avec l'ulama. L'anna l'alim, toutes les difficultés que tu as eues, les problèmes que tu as, les ishkal, il les a eues avant toi. Et Houa, vu que c'est un alim, il a atteint un certain niveau, beaucoup de choses, son expérience, il a compris. Il te dira maintenant, délaisse ce livre, étudie ce livre. Il sait que ce livre, il est plus simple, il est asah. L'alim, maintenant, il va te dire, cette masala, maintenant, as-sawab, c'est kada. L'anna, il a étudié le khilaf avant toi. Rabbama, qawl, anta, mantabat, lui, il le connaît et il te montre, as-sawab, délaisse, c'est kada. هذا سهم بختان ضربني غاه للعلم من أشكل عليه شيء منها أو من غيرها كساسوا في هذا الباب أو في غيره غوفني غاه للعلم خاصة طلبة العلم طلبة العلم يدواف غوفني غاه العلماء سافا با دي غا التقليد أبدا غماركي الشيخ الفوزان إلا با دي تغوفين الشيخ فلان إلا تي العلماء تغوفين با فرسمون الشيخ دو تون بي ان شيخ كو تي كولي تغوفين أهل العلم سلوك العلم اي لو بوت سي أريفي الفائدة إي دابليكي appliquer ou s'écarter d'un char. C'est ça le but du soual. Ou donner une faïda à un autre. Tu connais la réponse, laquelle c'est pour qu'un autre il a le faïda. Tayyib. Le but, c'est pas wal'iyadu billah rukhsa. Rukhsa. Tu sais que c'est haram au fond de toi, laquelle t'appelles le rabbama idi yajouz. Na'oudu billah. C'est une niya fasida jitten. Et bien sûr, le rujou il est bi-adab. Bi-adab à des heures appropriées. Sallallahu subhanahu wa ta'ala tawfiq. On devait faire une kalima sur le comportement quand on pose des questions, c'est muhim. Daiman akhar akhar, inshaAllah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, yassir, on fait cette kalima, elle est muhimma. Thumma qal, fasayadid indahum inshaAllah, ma yuzilu ishkala. Aqal shay se estafid. Même s'il n'a pas sa réponse directement, aqal shay se estafid. Le comportement du alim, il va lui citer une faïda, rubama il lui cite un qawl qu'il ne connaissait pas. Inshallah, il avance. Qala wa billahi tawfiq. Nassallah subhanahu wa ta'ala. التوفيق والسداد والإخلاص on a fini cette رسالة et inshallah on continue les دروس à partir de samedi demain jeudi on fait une kalima بإذن الله عز وجل et samedi on commence le prochain درس قاعد فقهية ou on avait dit là avant قاعد فقهية on fait أدب قضاء الحاجة on l'avait pas fait on devait faire أدب قضاء الحاجة ça sera très inshallah rapide والله المستعان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك